Chapitre 14e. Caroline, reine des deux Siciles. 1. On a dû remarquer que nous n'avons dans notre galerie aucune reine de Prusse ou impératrice d'Autriche. Mais il ne faudrait pas en conclure que les princesses allemandes sont plus vertueuses que les princesses russes, françaises, suédoises, anglaises ou italiennes, mais bien au contraire. À quelques exceptions près, les monarques allemands se sont alliés à des princesses étrangères et en échange ont exporté, et sur une grande échelle, des princesses allemandes qui se sont distinguées par leur galanterie. Nous pouvons citer Caroline d'Angleterre, Isabeau de Bavière, Marie de Neubourg, reine d'Espagne, et Caroline, reine de Naples. Caroline Marie, fille de l'empereur François Ier et de Marie-Thérèse, était née le 13 août 1752. Elle fut mariée à l'âge de 16 ans, le 12 mai 1768 au roi des deux Siciles, Ferdinand IV, âgé de 17 ans. Marie-Thérèse, qui par ce mariage poursuivait ses desseins ambitieux sur l'Italie, avait fait introduire, entre autres conditions, dans le contrat politique que sa fille aurait voix délibérative au conseil lorsqu'elle redonnait un héritier à la couronne. Ajoutons que la jeune reine, intelligente et déjà ambitieuse, avait été stylée par sa mère, dont elle était disposée à servir les intérêts politiques. C'était une jeune femme remarquable sous plus d'un rapport. Elle était apte à tout, excepté au bien, peut-être. Spirituelle, brillante, comme on aimait les femmes de son temps, hautaine comme une archiduchesse d'Autriche, elle alliait un besoin d'intrigue, d'action et d'émotion, le goût napolitain pour les plaisirs et une mollesse voluptueuse. Ferdinand, au contraire, indolent et faible, dépourvu d'énergie et de passion, sans grande qualité et sans vice, devait être bientôt subjugué par sa femme. Bientôt il se soumit à tous ses caprices et s'habitua à prendre son avis avant d'agir ou de se décider. Il se contenta de régner, laissant à Caroline le soin de gouverner. Celle-ci n'attendit point la naissance d'un prince pour entrer au conseil, et son influence dans les affaires de l'État ne tarda point à se faire sentir. La faveur de la reine décida de tout. Les hommes d'État firent place aux favoris. Tanucci fut remplacé par le marquis de Sambuca, ambassadeur à la cour de Vienne, sur l'avis de Marie-Thérèse probablement. Nous ne pouvons entrer dans le détail des intrigues politiques, mais nous dirons que le marquis, après s'être attaché à plaire à la jeune reine et avoir espéré la dominer, reconnut bientôt un maître dans sa protectrice. Il voulut intriguer, elle déjoua ses ruses. Elle avait la finesse d'une Italienne et la poussait si loin qu'elle rappelait la rouerie et la perversité de Catherine de Médicis. Ainsi, à 17 ans, attentive aux secrets desseins des personnes qui entouraient le roi, elle s'inquiéta de ses relations galantes et, ne pouvant les interdire, les surveilla de telle sorte que nulle femme capable de contrarier ses vues ne put approcher de Ferdinand. Plus jalouse de son pouvoir de reine que de ses droits d'épouse. Ainsi, par exemple, fut éloignée la belle madame de Gondard, qui reçut l'ordre de quitter Naples dans les 24 heures. Au contraire, elle se montrait d'une complaisance extrême pour des inclinations sans conséquence. Sa complaisance pour le jeune roi égalait celle de madame de Pompadour pour Louis XV. Elle obtint ainsi chaque jour, parce qu'elle permettait, autant que parce qu'elle empêchait, un ascendant incontestable. Deux partis se partageaient la cour, le parti espagnol-français ou bourbonien, lequel tenait à donner tout son développement au pacte de famille, et d'autre part, le parti autrichien. Ce dernier était opposé à tout agrandissement de la maison de Bourbon. C'était celui qui recevait ses inspirations de Vienne et que fit triompher la fille de Marie-Thérèse. Quant aux intérêts véritables du royaume des deux Siciles, ils étaient subordonnés à ceux de l'Autriche. Tout en menant cette intrigue politique et en surveillant la citerne de son mari, Caroline trouvait du temps pour ses plaisirs. Au marquis de Sambuca avait succédé le beau comte de Caramanica. Après le travail avec les ministres, les entretiens galants, les fêtes splendides et les nuits mystérieuses consacrées aux voluptés. Caroline était une jeune femme d'une imagination ardente. Les plaisirs de l'amour, comme ceux de l'ambition, ne devaient avoir pour elle ni secret ni frein. Aussi les bruits les plus scandaleux, même pour Naples où l'on n'est pas prude, couraient sur le compte de la reine. Le favori en titre en était inquiet et affligé, et nous avouons que nous sommes assez embarrassés pour raconter ces bruits étranges qui depuis sont reconnus pour des vérités historiques. Nous avons vu des reines et des impératrices bien dissolues, et aucune d'elles, même Catherine, même Messaline, ne nous avait causé cet embarras. nous regrettons de ne pas avoir sous la main un des nombreux pamphlets napolitains qui coururent à cette époque. Peut-être leurs auteurs avaient-ils le secret de raconter d'une façon chaste ces aberrations d'une sensualité affolée. Nous leur aurions volontiers emprunté le récit que confirma bientôt l'éloignement du comte de Caramanica, nommé vice-roi de Sicile. Depuis quelque temps, le favori avait remarqué de la froideur chez sa royale maîtresse, sans avoir rien à se reprocher, car il se montrait à toute heure l'esclave de ses moindres caprices, et bien que Caroline lui parlât toujours avec l'expression de la tendresse. Mais pour lui, désormais, le regard de Caroline n'avait plus de flamme, sa passion n'avait plus d'élan. Que se passait-il donc dans son cœur? Avait-il un rival? Était-ce là le crépuscule de sa faveur et un astre nouveau se levait-il à l'horizon? Il devait le croire. Mais à la cour, un favori ne saurait rester longtemps mystérieux. Avec tous les seigneurs qui venaient lui rendre hommage, la reine gardait le ton de la froideur ou de l'indifférence. Un seul personnage paraissait jouir d'une faveur particulière, mais son âge, son caractère, sa laideur éloignaient tout soupçon. C'était Lord Hamilton, ambassadeur d'Angleterre. Un jour, le favori s'étant ouvert à un de ses amis de ses inquiétudes et de ses doutes, « Mon cher comte, lui répondit celui-ci, vous êtes le plus intéressé à connaître la vérité et naturellement le dernier à l'apprendre. Vous craignez un rival? Je l'avoue. Et vos soupçons se portent sur l'ambassadeur d'Angleterre, Lord Hamilton? Que voulez-vous? Pourriez-vous me citer un seigneur napolitain qui soit aussi bien vu à la cour et aussi puissant? C'est lui qui, à cette heure, est le dispensateur de toutes les grâces de la souveraine. Désire-t-on un emploi, une dignité, c'est à Lord Hamilton que l'on s'adresse. Il est vrai. Sa femme, jeune, belle, spirituelle, toute charmante, est devenue l'amie inséparable de la reine. Caroline, si ombrageuse, si entière, écoute ses conseils, consulte son goût et semble même plier sa volonté à la sienne. N'est-ce pas vrai? C'est très vrai. Cher comte, j'ajouterai même que la reine traite Lady Hamilton comme une sœur. Ne partage-t-elle point sa chambre à couche avec elle? Et n'oblige-t-elle point ses dames de service à lui rendre les mêmes soins qu'à elle-même? Ces dames ne cachent point à ce sujet leur mécontentement. Pourquoi cela? Ces dames appartiennent toutes à la plus ancienne noblesse. Elles ont découvert, paraît-il, que la femme de Lord Hamilton n'est noble que du côté de son mari. La reine le saurait. Elle ne l'ignore pas. Je le lui demanderai. N'en faites rien. Pourquoi? Vous la blesseriez inutilement, mon cher comte. Voyons, ignorez-vous combien la reine est susceptible pour tout ce qui touche à son ami? Eh bien, laissons cela, fit monsieur de Caramanica. Et revenons au sujet de mes inquiétudes et de notre entretien. Nous nous en sommes éloignés. Du tout, mon cher comte. Cependant, du tout, vous dis-je. Et un sourire railleur effleura les lèvres du confident de Caramanica. Vous cherchiez, reprit-il, quel était votre rival? Et vous vous étiez arrêté à Lady Hamilton. Eh bien, vous ne vous étiez pas trompé. Que voulez-vous dire? S'écria le comte en pâlissant. Ah, ne m'en demandez pas davantage. Ou, si jusqu'à ce jour vous n'avez pu en croire vos yeux, promenez-vous le soir dans les salons du côté des vieilles dames et écoutez leurs propos. Alors peut-être en croirez-vous vos oreilles? Nous ne savons si le comte de Caramanica en crut ses yeux ou ses oreilles, mais cette tendresse extraordinaire de la reine pour Lady Hamilton suffit à l'éloigner et il partit pour Palerme. 2. Le passé de Lady Hamilton. Ce ne fut pas le moindre scandale de cette époque. Non seulement on s'en amusa à Naples, mais le bruit en courut à Vienne, à Paris et à Londres. Mais Lord Hamilton garda un sérieux diplomatique, c'est-à-dire imperturbable. Il ne songeait qu'aux graves intérêts dont il était chargé à la cour de Ferdinand IV, intérêts que sa femme, aussi intelligente que dépravée, servait admirablement. Grâce à elle, la politique des cabinets de Vienne et de Naples n'avait plus de secret pour le gouvernement anglais. Ce moyen d'influence diplomatique devait avoir, comme nous le verrons bientôt, les plus graves conséquences. Mais auparavant, racontons le passé romanesque de Lady Hamilton. Il est peu de fortune aussi extraordinaire que la sienne. Sa biographie, comme ses portraits, ont été multipliés à l'infini. Sa beauté a contribué au bonheur et à la gloire des plus grands artistes de son temps. Ses aventures ont été racontées par de grands romanciers comme Dumas et un grand poète, Lamartine. Convaincu que le lecteur aura le bon goût de préférer le portrait qu'a tracé Lamartine à celui que nous pourrions essayer de reproduire, nous lui donnerons les pages du maître. Son nom, dit-il dans la vie de l'amiral Nelson, était Emma, car on ne connut jamais son père. Enfant de l'amour, du vice et du mystère, que la nature sembla se complaire à combler de ses dons, comme pour compenser l'exhérédation de la famille. Sa mère était une pauvre servante de ferme du canton de Chester, en Angleterre. Soit qu'elle eût perdu son mari par la mort, soit qu'elle eût été, comme Agar, abandonnée par son séducteur, on la vit arriver inconnue et mendiante dans un village du pays de Galles, cette Suisse anglaise. Elle portait un enfant de quelques mois dans ses bras. La beauté de la mère et de l'orpheline intéressa les montagnards du village d'Awarden. L'étrangère gagna dans ce village sa vie et celle de son enfant, en cultivant la terre pour les fermiers et en glanant dans les champs. La distinction et la noblesse des traits de l'enfant propageaient dans le peuple la rumeur d'une naissance illustre et mystérieuse. On la croyait la fille de Lord Halifax. Rien depuis dans la destinée et dans l'éducation de la jeune orpheline ne justifia ce bruit. À 12 ans, elle entra comme servante d'enfant dans une maison du voisinage. Les fréquents séjours que ses maîtres faisaient à Londres chez leurs parents, le célèbre graveur Boydell, lui donnèrent le premier contre-coup de l'impression que sa figure faisait sur la foule dans les lieux publics et le sentiment vague de la haute fortune qu'elle devrait à ses charmes. À 16 ans, elle s'évada du village d'Awarden, dont l'obscurité ne suffisait déjà plus à ses rêves, et elle se plaça dans la domesticité d'un honnête marchand de Londres. Une femme d'un rang supérieur, l'ayant remarquée dans la boutique de ses maîtres, l'éleva à une domesticité plus haute. Presque oisive, dans une maison opulente, Emma s'enivra de la lecture des romans qui créent un monde imaginaire à l'amour et à l'ambition des jeunes âmes. Elle fréquenta les théâtres, elle y prit les premières inspirations de ce génie de l'expression dramatique, du geste, des poses et des attitudes dont elle fit plus tard un art nouveau quand elle devint la statue animée de la beauté et de la passion. Congédiée par sa maîtresse pour quelque négligence de service, son goût pour le théâtre lui fit rechercher une autre domesticité plus conforme à ses goûts dans la famille d'un directeur de théâtre. Le désordre, la liberté, la fréquentation de cette maison par les acteurs, les musiciens et les danseurs de la scène l'initièrent subalternement à tous les arts qui fascinent les sens. Elle était alors dans toute la fleur et toute la perfection de son adolescence. Sa stature élevée, souple et harmonieuse, égalait par ses ondulations naturelles les artifices les plus étudiés des danseuses. Sa voix avait l'accent des plus douces et des plus tragiques émotions. Son visage, doué de l'impressionnabilité aussi délicate et aussi mobile que les premières sensations d'une âme virginale, était à la fois une mélancolie et un éblouissement. Tous ceux qui l'ont entrevue à cette époque s'accordent à la dépeindre sous les traits de la moderne psyché. La pureté de l'âme, transparente encore sous la pureté des traits, l'entourait jusque dans sa position subalterne d'un respect que l'admiration n'osait pas franchir. Elle semait le feu, mais elle ne le brûlait pas. Son innocence était protégée par l'excès même de sa beauté. Sa première chute ne fut pas une chute dans le vice, mais une chute de l'imprudence et de la bonté. Un jeune homme du village d'Awarden, le fils du fermier qui avait recueilli sa mère, avait été enlevé dans un enrôlement forcé de matelots et jeté enchaîné sur la flotte à l'ancre de la Tamise. Emma, sollicitée par la sœur du captif, se présente avec son ami au capitaine du navire pour implorer la liberté du jeune marin. L'amiral, ébloui, accorde tout aux prières et aux larmes d'Emma. Il l'enlève de sa condition servile mais honnête, la couvre d'un luxe honteux, lui meuble une maison, lui donne les maîtres les plus consommés dans tous les arts, se pare lui-même aux yeux de ses amis de sa conquête et la laisse, au moment du départ de l'escadre, au hasard de nouvelles séductions. L'un des amis de l'amiral, possesseur d'un nom éminent, d'une grande fortune, entraîne avec lui l'infidèle Emma dans une de ses terres, la traite en épouse, en fait la reine des chasses, des fêtes, des danses de la compagnie, puis, l'oubliant à la fin de la saison, la laisse à Londres à la merci du hasard, du besoin et du vice. Retombée de ce nuage d'or sur le pavé d'une capitale, flétrie aux yeux de ses anciens protecteurs par l'éclat de ses aventures, Emma fut recueillie dans la nuit et sous des haillons par une de ces créatures infâmes qui font le commerce de la dépravation. Un hasard seul la préserva de l'ignominie. La femme corrompue qui lui avait donné asile, frappée de la distinction et de la modestie qui survivaient à ses premiers désordres, et éblouie de la perfection de ses traits, la conduisit, pour faire admirer cette merveille de la nature, chez un médecin célèbre par ses études sur la beauté. Ce médecin était le docteur Graham, espèce de charlatan voluptueux et mystique, qui professait devant la jeunesse matérialiste de Londres une sorte d'idolâtrie savante des perfections de la nature humaine. Il s'était fait ainsi une suspecte et bizarre renommée. Le docteur Graham se récrit à la vue de la jeune orpheline. Il en paie la découverte à l'entremetteuse. Il la recueille dans sa propre maison. Il publie dans les journaux qu'il possède un exemple accompli de l'efficacité de ses spécifiques pour créer et pour maintenir la perfection de la vie, de la beauté et de la santé dans une créature humaine, et qu'il provoque les incrédules à venir se convaincre par leurs propres yeux devant l'image vivante de la déesse Iji. À cet appel fait à la licence plus encore qu'à la science, les sectateurs de Graham accourent à son amphithéâtre. L'infortuné victime de sa propre perfection paraît revêtue d'étoffes transparentes sous le costume d'une divinité. Son voile dérobe à peine sa rougeur. L'orgueil du savant, l'ivresse des spectateurs éclate en acclamations enthousiastes. Jamais la peinture ou la statuaire n'avait offert au regard des formes et des couleurs aussi idéales que la nature. Les peintres et les sculpteurs se disputent l'imitation d'un si divin modèle. Parmi eux, le plus célèbre des coloristes anglais du temps, Rodney, se signale par une infatigable répétition du même visage. Il peint Emma sous tous les costumes des héroïnes de la poésie et de la scène. Ces images gravées multipliaient dans toute l'Europe les traits de la jeune inconnue. Rodney, comme Apelles devant Campaspe, s'éblouit et s'enflamme de son modèle. Il l'enlève à Graham comme un trésor inépuisable d'art et de fortune. Il vend au poids de l'or ses portraits en magicienne sous les traits de Circé et sous les traits de l'innocence touchant une sensitive et s'étonnant du frisson de la fleur sous ses doigts. Cette publicité anonyme protégeait néanmoins la pudeur d'Emma. Le prix de ses poses qu'elle avait reçues de Graham et de Romney lui permettait de vivre dans l'ombre et la décence d'une maison retirée de Londres. La célèbre Madame Lebrun, peintre de la reine Marie-Antoinette, la peignit à cette époque en bacchante et rapporta son image en France. Un jeune Anglais de l'illustre maison de Warwick, Grenville, neveu de Sir William Hamilton, ambassadeur à Naples, découvrit Emma dans cette obscurité. Sa passion le fit croire à la vertu de la jeune fille. Il l'aima, il tenta vainement de la séduire. Soit désir sincère de racheter les fautes de sa destinée, soit ambition de mériter un nom en refusant une fortune, Emma résista à toutes les séductions. La promesse d'une union légitime, aussitôt que la famille de son amant serait vaincue par sa constance, put seule fléchir sa résistance. Grenville, enchaîné par tous ses charmes et même par ceux de la vertu, vécut en époux avec elle pendant plusieurs années. Trois enfants naquirent de cette union jurée et secrète, et rien n'altéra le bonheur obscur des deux amants. Emma, toujours sensible et reconnaissante, même aux dépens de son orgueil, avait appelé sa mère, indigente, auprès d'elle. Elle l'honorait et la chérissait sans rougir de sa servile condition. En 1789, après ces années de félicité intérieure, toujours altérée cependant par les résistances et les sévérités de sa famille, Grenville, dépouillé de ses places et obéré jusqu'à la détresse, hésitait entre la douleur et la nécessité de délaisser celle qu'il regardait comme son épouse. Ses larmes et celles d'Emma empoisonnaient les derniers jours de leur passion. Ce fut dans cette crise de leur vie que l'oncle de Grenville, Sir William Hamilton, arriva à Londres. 3. Un trafic honteux. Cet oncle, possesseur d'une immense fortune, n'était pas marié. Il réservait son héritage à son neveu, mais sa sévérité aristocratique s'indignait d'avoir à reconnaître pour ses petits neveux les enfants d'une aventurière. Il refusa obstinément à Grenville son consentement à un mariage légitime et les sommes nécessaires à l'acquittement de ses dettes. Grenville, désespéré, ne vit de salut que dans l'intervention de celle qui faisait les délices et le tourment de sa vie. Emma, à son instigation, se rendit dans le costume de son enfance, en robe de bure et en chapeau de paille, chez l'oncle de son amant. Elle tomba à ses pieds. Elle avoua sa faute. Elle versa des larmes d'autant plus persuasives qu'elles étaient plus vraies. Elle attesta les tendres fruits de son amour. Elle conjura Hamilton de pardonner à la mère et au père en faveur de ces misérables créatures. Elle triompha plus qu'elle ne voulait triompher. Le vieillard, fasciné par ses traits et par ses accents, qui dépassaient tout ce qu'il avait admiré dans les chefs-d'œuvre des statues d'Athènes ou sur les scènes voluptueuses de l'Italie, comprit par sa propre séduction celle de son neveu. L'amour qu'il avait refusé de comprendre se vengea en l'enivrant lui-même des mêmes désirs qui avaient dompté Grenville. Il resta foudroyé de la beauté d'Emma, et comme un homme saisi d'une démence soudaine, il oublia en peu d'entrevues son âge, son rang, sa répugnance au mariage, l'obscurité de naissance, les tâches de la vie d'Emma. La passion de son neveu partagée longtemps, et peut-être encore par sa maîtresse, les enfants nés de l'amour, le scandale et la honte de cet ignominieux trafic de charme, il acheta au prix de l'acquittement des dettes de Grenville la possession de cette vénale beauté. Un mariage secret unit Hamilton et Emma à Londres. Hamilton se hâta d'emmener sa conquête à Naples sans avoir encore déclaré son mariage. La beauté d'Emma éblouit l'Italie comme elle avait ébloui l'Angleterre. Mais la renommée du rôle impudique de modèle qu'elle avait accepté sous les yeux des artistes et du trafic infâme entre l'oncle et le neveu dont elle avait été le prix l'avait précédée à Naples. L'ambassadeur, pour étouffer ses rumeurs et pour réhabiliter son idole, fut obligé de l'épouser publiquement. Le scandale s'évanouit devant le rang et devant la séduction de la jeune ambassadrice. Elle parut à la cour et conquit du premier coup d'œil l'admiration et l'enthousiasme de la reine Caroline. Que dites-vous d'une telle amitié, et peut-on s'étonner des bruits auxquels elle donnait lieu? La beauté était, paraît-il, le seul mérite de Lady Hamilton, et ne pouvait être un titre sérieux à la faveur dont elle jouissait, et qui mettait ainsi dans un de ses caprices les destinées de l'Italie. Par Lady Hamilton, l'Italie devint la vassale de l'Angleterre. Pitt tint tous les fils de sa politique, entra dans tous ses secrets et lui inspira ses vues. Et singulière coïncidence, le ministre favori, Acton, était un aventurier irlandais. Les Napolitains se trouvèrent exclus de tous les emplois au profit des étrangers. Les finances furent pillées. Les actes les plus impopulaires, les plus vexatoires, les fautes politiques se succédèrent, ruinant le pays et semant la haine contre le gouvernement et la reine. Acton s'entourait d'une armée d'espions. Les prisons s'emplissaient de victimes, et Caroline, par ses fêtes voluptueuses, semblait insultée aux souffrances et à la patience publique. Et cela se passait à l'époque de la Révolution française. La chute du trône de Louis XVI, le procès et l'exécution de Marie-Antoinette, loin d'être des avertissements pour la reine de Naples, furent pour elle le signal de nouveaux excès. Caroline ne s'intéressait que médiocrement au sort de sa sœur Marie-Antoinette. Elle ne l'aimait pas, et elle avait, dit-on, été importunée de l'entendre proclamer belle. Sa haine pour les Français n'eut pas son origine, comme on pourrait le croire, dans le meurtre de sa sœur. Elle datait de plus haut et avait, de bonne heure, été alimentée par celle de son favori Acton. Mais la mort de Marie-Antoinette lui fit craindre de tomber elle-même dans les mains des révolutionnaires italiens. Sa haine contre les principes nouveaux, qui en reconnaissant des droits au peuple, restreignaient le despotisme des rois et abolissaient les caprices des cours, faisait de Caroline une véritable furie. Son gouvernement devint un foyer de conspiration contre la Révolution, et selon l'expression de Lamartine, elle fit passer la terreur du côté du trône. Mais aux embarras que lui créait la situation intérieure, devaient bientôt s'ajouter les périls plus sérieux de la guerre avec la France. Cette guerre éclata en 1792. Alliée à l'Angleterre, Caroline put compter sur son appui. L'amiral Nelson fut envoyé dans la Méditerranée avec une escadre afin de protéger Naples. Toulon venait d'être livré aux Anglais. La Méditerranée leur appartenait. Nelson reçut à Naples l'accueil réservé à un libérateur. Il habita dès les premiers jours l'hôtel de l'ambassade et le fils de sa femme, le jeune Joshua Nisbet, qu'il avait embarqué avec lui, fut caressé par Lady Hamilton comme par une seconde mère. L'amiral subit le fatal éblouissement de la beauté d'Emma. Il en tomba éperdument épris, et ce qui est plus étonnant, inspira une passion égale à cette coquette qui jusqu'alors n'avait jamais aimé. Mais tandis que Nelson protégeait Naples du côté de la mer, les Français, après avoir culbuté l'armée autrichienne, s'avançaient contre la capitale des deux Siciles, accueillis partout avec sympathie. En même temps, trompant la vigilance de l'amoureux Nelson, une flotte française transportait Bonaparte et son armée en Égypte. Déjà Malte avait été enlevée au passage par la flotte française avant que l'amiral anglais eût songé à poursuivre l'armée expéditionnaire. Bonaparte était au Caire avant que Nelson eût rejoint Breuil dans la rade d'Aboukir. On connaît la bataille navale qu'il livra, les fautes et la mort héroïque de Breuil, la résistance glorieuse des marins français qui ne put sauver la flotte d'une destruction à peu près complète. Nous mentionnons ici ces faits parce qu'ils sont des jalons nécessaires de notre histoire. Le sort de Caroline se trouvait désormais lié à celui de Nelson et de Lady Hamilton. Le lendemain de sa victoire, Nelson se hâta de retourner à Naples. Il y arrivait à propos pour y recueillir la famille royale. Les Français approchaient, et le peuple surveillait d'un regard de haine la cour qui songeait à lui échapper. Comme des coupables qu'ils étaient, les membres de la famille royale s'évadèrent de leur palais par un souterrain qui aboutissait au port. Lady Hamilton fit embarquer nuitamment sur les vaisseaux de Nelson les trésors, les diamants de la couronne, les objets de luxe et d'art s'élevant à une valeur de 80 millions. Nelson, s'approchant lui-même dans une chaloupe de l'entrée du souterrain pendant une nuit sombre et orageuse, enleva la famille royale et la transporta à bord de son navire, le Vogar. La tempête se déchaîna et menaça de détruire l'escadre sur les côtes de Sicile. Le dernier enfant de la reine expira de fatigue et de terreur entre les bras de Lady Hamilton. Lorsque Ferdinand et Caroline débarquèrent à Palerme, la République était proclamée à Naples par le général Championnet. Malgré le mauvais vouloir de Saint-Janvier à accomplir son petit miracle annuel, Naples était tranquille, et aucun désordre n'eût ensanglanté le pays si la cour aidée du cardinal Ruffo n'avait attisé la guerre civile et fait une nouvelle Vendée. L'abjecte population des Lazzaroni se rangeait sous les ordres de ce protecteur de la religion et des droits de la couronne. La retraite des Français livra la capitale à ses bandits. Les chefs républicains, enfermés dans les forts de Naples, capitulèrent. Cette capitulation leur assurait la vie et la liberté de quitter le royaume, mais malgré la résistance de Ruffo, la capitulation fut déchirée par Lady Hamilton et Nelson, son esclave. Les chefs républicains, c'est-à-dire presque toute la jeune noblesse du pays, et ce que le clergé, la littérature, les arts avaient d'éminent, furent au nombre de 6 000 livrés au glaive des commissions militaires ou au poignard des Lazzaroni. 4. La terreur royale. Ce fut quelque chose d'effroyable. Le stratagème de Charles IX ne fut rien comparé au massacre organisé par Caroline et sa favorite. La potence, le bûcher, le poignard, tous les genres de supplices servirent à l'extermination non seulement des républicains, mais des suspects de républicanisme. En quelques jours, 40 000 citoyens tombaient sous les coups des lois de mort. Des tribus ambulants parcouraient les provinces avec des bourreaux. Des hommes vivants étaient jetés dans les bûchers allumés sur la place du palais. La reine dressait de Palerme des listes de proscription et de mort. 30 000 victimes encombraient les prisons, et les bourreaux étaient nuit et jour occupés à leur donner la torture. Les proscriptions de Marius et de Sylla étaient dépassées par la haine de Caroline, le fanatisme d'une populace cruelle et les passions d'une courtisane. Nelson y souilla sa gloire. L'amiral Caracciolo, ayant été élevé malgré lui par le gouvernement républicain au commandement général de la flotte, fut arrêté, chargé de chaînes et conduit à bord du vaisseau de Nelson. Le vainqueur d'Aboukir fit comparaître le vieux marin devant une cour martiale composée d'officiers italiens, et ses juges ayant conclu un exil perpétuel, Nelson fit substituer sur l'arrêt le mot de mort à celui d'exil. Une heure après, Caracciolo fut conduit dans une chaloupe anglaise sur son propre vaisseau amiral, la Minerve, pour y être pendu. Le condamné ne craignait pas la mort, mais l'ignominie du supplice. « Après 72 ans d'une vie d'honneur, dit-il, il est dur de laisser l'ignoble image de la potence attachée à ma mémoire. Demandez seulement à l'amiral anglais, autrefois mon compagnon d'armes et mon ami, de changer l'infâme supplice qu'on me prépare par la corde contre la mort du soldat. » L'officier anglais fut transmettre cette prière à Nelson. « Faites votre devoir, répondit l'amiral. Caracciolo fut pendu. La nuit venue, on attacha 2 boulets au pied du cadavre du supplicié et on le jeta à la mer. Mais la mer n'en voulut point. 3 jours après, Ferdinand et Caroline rentraient à Naples. La favorite et son amant étaient allés au-devant de leur majesté et, debout sur le pont du navire, s'entretenaient avec elle des actes de haute justice qui accompagnaient leur retour. La reine lisait la liste de ses proscriptions et Lady Hamilton racontait ses assassinats. Duo charmant. Quand soudain le roi poussa un cri d'horreur. « Qu'y a-t-il ? » demanda Caroline. « Regardez !» dit Ferdinand en indiquant la mer. « Ne voyez-vous pas ?» Caroline suivit son indication et pâlit d'effroi à son tour. Au sommet d'une lame, sortant de l'eau jusqu'à la ceinture, apparaissait le buste d'un vieillard, la tête haute, la chevelure éparse et ruisselante. C'était le supplicié, l'amiral Caracciolo. « Que nous voit ce mort ?» demanda le roi d'une voix tremblante à son aumônier. « On dirait, répondit celui-ci, qu'il vient implorer, par la permission de Dieu, la sépulture chrétienne pour son corps. » « Qu'on la lui donne !» répliqua Ferdinand, plein d'une terreur superstitieuse. Devons-nous ajouter que cette apparition vengeresse était due à la tempête qui avait rompu les liens qui attachaient les boulets aux pieds de Caracciolo? Cependant, si Caroline devait en partie à Nelson la restauration de son pouvoir, elle lui dut aussi la perte de sa favorite. Lady Hamilton, rassasiée d'honneur et de présents, quitta sa chère maîtresse pour suivre son amant. Lord Hamilton était mort, elle était libre, elle en profita pour achever de compromettre Nelson. L'amiral divorça pour épouser la veuve de l'ambassadeur et eut d'elle une fille, nommée Horatia. Ni l'un ni l'autre, ils ne devaient revoir la cour de Naples. Nelson devait périr à la bataille de Trafalgar, et malgré le testament de l'amiral, Emma devait mourir dans la pauvreté. Le gouvernement anglais vota aux frères de Nelson un titre de noblesse et un patrimoine de 6000 guinées de revenus, 10000 guinées consacrées à l'acquisition d'un domaine national pour sa famille. Lady Hamilton et sa fille Horatia furent oubliées dans ces munificences. Réprouvée par tous, elle tomba dans la misère et mourut, 20 ans plus tard, dans un village des environs de Boulogne. Elle était parfaitement inconnue des habitants, et les papiers trouvés sur elle révélèrent que cette misérable avait été la beauté la plus célèbre de l'Europe. La femme d'un ambassadeur de la Grande-Bretagne, la favorite d'une reine, la femme de l'amiral Nelson. On l'enterra aux frais de la couronne. Revenons à Caroline. Après sa sanglante restauration, elle put de nouveau s'abandonner à tous les caprices de la galanterie. Quels furent les élus, les heureux? Comme ces fleurs qui, dans un semis trop nombreux, se disputent le sol et s'étouffent les unes les autres, ils n'ont eu qu'une valeur collective et aucun d'eux n'a laissé son nom à la renommée. Un d'entre eux, cependant, faillit devenir célèbre. C'était un tout jeune garçon qui était venu de Palerme à Naples avec la cour. Comme la belle Emma, il n'avait point de nom de famille, ce qui permettait de lui prêter une naissance illustre. En tout cas, il était instruit autant que le beau et devait avoir reçu l'éducation d'un jeune homme riche, bien qu'il se fût engagé comme simple matelot. À bord du navire où se trouvait Caroline et que commandait l'ami de Nelson, le capitaine Hardy, Geronimo, c'était son nom, s'était fait de suite remarquer par ce cachet particulier aux hommes que leur intelligence et leur éducation destinent à une position élevée. Il ne se mêlait à l'équipage que pour les travaux du bord. Il se tenait à l'écart, pensif, mélancolique, comme un amoureux qui regrette sa fiancée ou un exilé qui pleure sa patrie ou encore, et ce fut le soupçon de quelques-uns, comme un conspirateur. On le remarqua, puis on le soupçonna. Un soir, le suspect fut désigné à l'attention de la reine et sa physionomie ne parut pas étrangère à Caroline. Elle l'avait déjà rencontré à Palerme. Elle avait déjà été suivie par le regard fixe de ses grands yeux d'un bleu sombre. Et déjà, elle avait été frappée et touchée aussi de la beauté de cet inconnu. Elle l'appela devant elle. « Ton nom ?» lui demanda-t-elle. « Geronimo. Ton pays ? Naples. Tu viens de Palerme. Il est vrai. Pourquoi étais-tu en cette ville ? J'y ai voulu suivre votre majesté. Pourquoi ? » L'inconnu tomba à genoux. Il était seul en présence de la reine. Elle seule pouvait l'entendre. « Vous êtes la reine, » dit-il d'une voix étouffée. « Ma vie vous appartient. Vous pouvez me faire jeter à la mer si ce que je vais vous dire est un crime. Parle, pourquoi me suis-tu ? Parce que je vous aime. » Cette parole passa comme du feu sur le front de la reine, mais bientôt, dominant son émotion, « Relève-toi, Geronimo. Je te pardonne et je te prends à mon service. Qu'as-tu fait pour vivre jusqu'à ce jour ? J'ai été pêcheur, je suis matelot. Tu reviendras pêcheur au service particulier de la reine. » Du même coup, Caroline venait de créer une charge nouvelle, de pêcheur de la reine. L'entretien interrompu se renoua avant que l'escadre anglaise fût entrée dans le golfe de Naples et il fut repris quelques jours après le retour de Caroline dans son palais. L'humble matelot était devenu un personnage, ou du moins en prenait déjà les allures. Le monde des flatteurs et des parasites savait qu'il avait reçu audience de la reine dans les petits appartements, et déjà l'on s'inquiétait de son nom, de sa demeure, et sur son passage il n'avait plus que des saluts à rendre. À la même époque, le cardinal Ruffo, devenu tout-puissant, éprouvait pour Caroline les tendres sentiments de Mazarin pour Anne d'Autriche. Il remarqua le beau fournisseur de marais et s'en inquiéta. Le cardinal disposait d'une nombreuse police. Il fit suivre Geronimo. Un espion nommé Fanfuli s'attacha au pas du mystérieux favori. Celui-ci occupait dans une petite rue voisine du port un logement assez misérable. Il était inconnu des habitants du quartier. Il ne prenait part ni aux divertissements de la rue, ni aux exécutions des républicains. On le voyait rarement. On ignorait ses moyens d'existence. Naturellement, Fanfuli voulut en savoir davantage et pour cela loua une chambre voisine du petit logement de Geronimo. Alors il apprit que celui-ci vivait avec deux femmes, une vieille et une jeune. La première était sa mère, la seconde sa sœur. Il le supposa d'abord, mais il sut bientôt qu'elle était sa fiancée. Cette découverte avait son prix et serait bien accueillie du cardinal Ruffo. Ne pouvant espérer de se lier avec Geronimo, qui sortait rarement et était peu communicatif, espérant encore moins faire la connaissance des deux femmes qui ne sortaient jamais, l'espion eut recours à d'autres pratiques de son métier. Dans les logements pauvres, les clôtures sont mauvaises. Il consacra une nuit ou deux à perforer la cloison de plâtre qui le séparait de l'une des chambres de Geronimo. Par ces trous de vrille, il put reconnaître que les deux femmes n'appartenaient point à la classe des pêcheurs, mais à la bourgeoisie et peut-être à la noblesse. Elles se cachaient donc. La mère de Geronimo était vêtue de deuil. Elle était donc veuve depuis peu. Tout cela sentait le mystère et le complot. Quant à la jeune fille, également vêtue de deuil, elle était d'une beauté éclatante et il était impossible que, si belle, elle ne fût pas aimée. Que penser alors des sentiments que l'on prêtait à Geronimo pour Caroline? Que penser de cette passion qui lui avait fait suivre la reine à Palerme et de Sicile à Naples? Et si sa passion était feinte? Si cet homme avait menti? Quel pouvait être son dessein? Fanfuli ne se sentit plus de joie et eut le pressentiment d'une large gratification. Mais ce qu'il avait vu n'était rien auprès de ce qu'il allait entendre. Un jour, un tailleur apporta un costume élégant pour le seigneur Geronimo. Fanfuli fut bientôt averti de cet événement par les exclamations de surprise des deux dames à la vue des riches vêtements que le tailleur étalait sur les chaises. « Est-ce possible ? » se récria la mère. Puis avec amertume, « Mais ce sont là des vêtements de fête. »« C'est pour notre mariage, » répliqua Geronimo avec un sourire pénible. Et il se retira avec le tailleur pour essayer le costume. « Que pensez-vous de cela, mère ?» fit la jeune fille à voix basse. « Je ne sais que penser, ma fille, si ce n'est que mon fils est mêlé à quelque intrigue, à quelque entreprise qu'il nous cache. Quel secret peut-il avoir pour celle qu'il aime ? Je veux l'interroger, sans retard. D'ailleurs, ses voyages, ses longues absences qu'il fait depuis nos malheurs, m'inquiètent, ainsi que vous. « Notre mariage, » dit-il. Il manquerait une bénédiction à votre mariage, la bénédiction d'un martyr. » Comme elle parlait, Geronimo entra. Il avait l'air attristé. « Tu n'as point, lui dit sa mère, la mine d'un homme prêt à revêtir des habits de fête. Ce ne sont point des habits de fête, à la vérité, ma mère. Ne crains-tu pas qu'une pareille toilette ne trahisse l'incognito sous lequel nous vivons? Cet incognito doit être prochainement dépouillé. Que veux-tu dire? Je ne puis m'expliquer davantage. » La terreur ne règne-t-elle plus à Naples? Les royalistes sont-ils rassasiés de sang? Les prisons vont-elles s'ouvrir? Non. La baie de Naples reçoit chaque jour de nouveaux cadavres. Mais c'est parce que la fureur de Caroline et des Anglais paraît à son comble que nous touchons à l'heure d'un suprême danger. Demain, le sort du marquis de Trivico sera décidé. Demain, il sera libre ou il sera vengé. Parle, je t'en conjure, supplia la mère. Ces paroles mystérieuses me mettent à la torture. Ta mère et ta fiancée ne sont-elles pas dignes de ta confiance? Non, je ne puis le croire. Aucune fête ne t'attend, mais tu songes à ton père. Et sans doute tu vas tenter quelques démarches près de hauts personnages. Près de l'amiral Nelson, peut-être? Lui, ce bourreau de M. Hamilton? Se récria le jeune homme avec une expression d'horreur. Près du cardinal Ruffo, alors? Ma mère, ne me demandez pas mon secret. Oui, je vais tenter une démarche près d'une personne toute puissante, mais je ne puis vous dire le nom de cette personne. Et pourquoi, je te prie ? Cette personne est notre ennemie la plus cruelle. Et ma chère Maria et vous, vous vous uniriez pour me décourager. Notre ennemie la plus cruelle, dis-tu ? Je crois la connaître. De grâce ! Implora Geronimo. C'est la reine. Le jeune homme se détourna pour dérober le trouble visible qu'il éprouvait. « Adieu, » dit-il en se dirigeant vers sa chambre, « je vous laisse à vos suppositions. À notre anxiété. Je resterai absent toute cette soirée. Attendez-vous à l'arrêt de la destinée. Quel qu'il soit, il sera prononcé avant demain. Demain, mon père nous sera rendu ou demain vous unirez mon nom au sien dans vos prières. »« Geronimo !» s'écria la mère avec épouvante. « De quel malheur nous menaces-tu ? Adieu, vous me remuez le cœur et j'ai besoin de tout mon courage. » Et il se retira pour s'habiller. « Oh !» se dit l'espion, « je sais où il va, moi, ce rejeton du marquis de Trevico. Ah, son père sera libre ou sera vengé ? Voilà de précieuses paroles. Courons prévenir le cardinal. » Et sans perdre une minute, Fanfuli se rendit à l'hôtel de son éminence, situé dans la ville haute, non loin du vieux château. Le chemin était long, mais la joie de tenir un secret important lui donnait des ailes. D'après ce qu'il venait d'entendre, il ne pouvait douter que la vie de la reine fût en danger. Il y avait fête ce soir-là au palais de Caroline, et sans doute Geronimo y avait rendez-vous. Mais ne pouvant y paraître sous son nom de Trevico, il n'était point de la fête officielle. Il ne devait point entrer au palais par la grande porte, mais par quelques portes de service. Sa mère, sa fiancée, ignoraient le danger qu'il allait courir. Tous deux eussent blâmé son dessein. Leur orgueil se fut révolté de son double rôle, et la tendresse de la jeune fiancée s'en fut alarmée. Caroline était encore belle et sa beauté avait le prestige de la couronne. Puis quelle vengeance pourrait-il exercer contre une femme séduite et confiante ? Un moment, la mère avait soupçonné la reine dans cette personne toute puissante dont son fils n'avait osé lui dire le nom. Puis elle avait rejeté cette pensée qui lui paraissait invraisemblable. Cependant, le soir venu, Geronimo, étouffant la révolte de ses sentiments qui l'auraient poussé aux énervantes satisfactions de sa tendresse pour sa fiancée et pour sa mère, s'enveloppait d'un manteau, déguisait sa toilette trop voyante et se dirigeait vers le palais royal. Ainsi que l'avait pressenti l'espion de Ruffo, il n'avait pas ses grandes entrées au palais, aussi contournait-il le vieil édifice et allait frapper à une porte obscure des jardins. 5. Le rendez-vous. À l'extrémité du jardin qu'il traversa dans toute sa longueur, se trouvaient des pavillons qui en commandaient l'entrée du côté du palais. La solitude et le silence régnaient autour de lui. Pas un homme de garde. Il pénétra dans un de ces pavillons. Ce pavillon l'attendait. Il lui était livré. Il en parcourut les appartements. Il en contempla d'un regard distrait toutes les merveilles, meubles précieux, objets d'art, puis se démena dans cette cage dorée comme un oiseau inquiet. Il se croyait oublié, lorsque dans le demi-jour mystérieux du salon où il se promenait, Caroline apparut. Elle lui voulut n'être qu'une simple femme, mais malgré elle, en ce moment et toujours, elle était la reine. En se dérobant à ses courtisans, en détachant de son front son diadème de diamants, elle gardait sur son front hautain, elle entraînait dans les plis de sa robe ce prestige qui la suivait partout et se traduisait par ses paroles, sa majesté. Elle trouva son adorateur pâle et tremblant. Il railla doucement de l'impression qu'il subissait. Mais sous le frisson qui le parcourait, Geronimo gardait une indomptable énergie. La peur chez lui n'était qu'à fleur de peau, le cœur restait brave. « Madame, » dit-il en gardant la main qu'il venait de porter à ses lèvres, « ce n'est pas de vous que j'ai peur. Et de qui donc ? De moi. Vraiment, voilà qui est étrange. Ou qui est terrible. Expliquez-vous, mon ami. Votre beauté me fascine et me fait oublier tout au monde. Du jour où je vous vis, mon cœur et ma pensée se sont tellement emplis de vous qu'il n'y a plus resté place ni pour un sentiment pieux, ni pour une idée d'honneur. Vous exagérez. Pardon, madame, écoutez-moi. Ce soir, en venant ici, j'ai rencontré ma mère. En me voyant sous ses habits de fête, elle m'adressa de justes reproches. Elle me reprocha d'oublier un absent dont elle porte le deuil. Son mari ? Oui, madame. Où est-il ? Dans vos prisons. Son nom ? Dois-je le dire ? Ah ! Vous doutez de ma clémence en venant l'implorer ? Pardon. Accordez-moi la grâce de mon père. son nom, encore une fois, le marquis de Trevico. « Ah !» fit Caroline avec un sourire. « Le cas est nouveau. Votre amour aura donc racheté les fautes de votre père. » Geronimo se jeta à ses pieds. Au même instant, on frappa à la porte du salon. Caroline se tourna vers la porte. C'était une de ses dames de compagnie qui l'avait accompagnée. « Madame, lui dit-elle, le cardinal Ruffo demande à vous parler à l'instant, sans retard. Il y va, dit-il, de votre vie. »« Je vous suis, » répondit Caroline. Puis à Geronimo, « Attendez-moi, monsieur. » Elle s'éloigna. Près d'une heure s'écoula. Mais cette heure ne parut pas longue à l'heureux Geronimo. Son père avait sa grâce, et à cette pensée son cœur se gonflait de joie. Des pas se firent entendre dans le pavillon. Ce n'était pas Caroline, mais un officier de sa garde. « Monsieur de Trevico, lui dit l'officier en le saluant, « Sa Majesté vous ordonne de me suivre. Où allons-nous, monsieur ? À la prison du vieux château. Mon père est libre. J'ai l'ordre de faire mettre monsieur le marquis en liberté, et je suis porteur pour lui d'une lettre. Tous deux partirent. Que contenait cette lettre ? » Cette question mit Geronimo au supplice. Enfin, ils arrivèrent à la prison. Après les premiers instants de ces embrassements qui ne se peuvent dépeindre, l'officier remit au vieux marquis la lettre de la reine. C'était un ordre d'exil pour lui, sa femme et son fils. Geronimo ne comprit rien à ses rigueurs, mais il l'avait échappé belle. On comprend que Caroline avait été instruite de son double rôle par le cardinal Ruffo. 3 ans se passèrent, et les intrigues de la reine ramenèrent l'invasion française. En 1805, elle entra dans la ligne conclue à Vincennes contre Napoléon. 12 000 Russes accoururent à la vérité à son secours. Mais cet accroissement de force n'empêcha point les Français de fonder à Naples un royaume au profit de Joseph Bonaparte, qui le résigna bientôt à son beau-frère Murat. Caroline et Ferdinand se réfugièrent en Sicile sous la protection anglaise, mais elle n'avait plus Nelson. Ses protecteurs agissaient en maître. Acton, son ancien favori, forcé d'opter entre les dominateurs réels et sa bienfaitrice, osa dire à celle-ci qu'il était temps que Sa Majesté permît au roi d'être le maître. Cet ingrat mourut peu de temps après sa trahison. Quant au roi, son caractère et sa situation ne lui permettaient point de gouverner. Dans son désespoir, Caroline se tourna vers la France, préférant le despotisme des Tuileries à la tyrannie anglaise. Elle médita de nouvelles vêpres siciliennes contre ces Anglais qu'elle avait adorés et qui lui étaient devenus odieux. Un officier de la marine royale, nommé Amélia, vint s'ouvrir de ce projet à Marmont, alors gouverneur des provinces illyriennes. Marmont le renvoya à Napoléon, et l'empereur chargea de Montholon de l'interroger. Amélia détailla les projets d'extermination de Caroline. Napoléon les rejeta avec indignation et fit jeter le négociateur à Vincennes, d'où il ne sortit qu'en 1814 à l'entrée des Alliés. Mais les Anglais eurent vent de ce complot, et ce fut le prétexte à de nombreuses arrestations. La situation de Caroline devint insoutenable. Elle fut aggravée encore par la faiblesse de Ferdinand, qui se laissa persuader par les Anglais de transférer son pouvoir à son fils. Enfin, le bruit s'étant accrédité que l'on allait inviter les Anglais à quitter l'île, le général Lord Bentinck exigea le départ de la reine. Elle y consentit. Elle avait bien songé à une insurrection, mais tout le monde était resté sourd à sa voix. Les grands n'osaient, les petits, privés de chef et sans argent, ne pouvaient. Elle partit. En hiver, en décembre 1811, elle dit adieu à sa patrie d'adoption, au dernier lambeau de son royaume, à son fils, à son mari, et prit la mer pour Constantinople. De là, par terre, elle gagna l'Autriche. Elle mourut le 8 septembre 1814 à Schönbrunn, sans avoir vu le rétablissement de sa maison sur le trône de Naples. De toutes les qualités de sa mère Marie-Thérèse, Caroline n'avait que le courage. C'était assez pour braver la colère d'un peuple soulevé par ses crimes et ses vices, mais ce n'était pas assez pour régner.